96.2. La FM en couleur. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, 13h et passé de 30 minutes, et bien bonjour à tous, à vous toutes, et bien nous sommes ensemble toute l'après-midi. Donc j'espère pour vous tous passe bien pour un début de semaine tout simplement, et puis j'espère que aussi la matinée s'est bien passée. Ensemble donc, comme je l'ai dit, toute l'après-midi jusqu'à 17h avec bien sûr les chansons pour vous faire plaisir. Et bien donc, juste à l'instant, on a pu entendre tout simplement le duo de Modern Talking avec tout simplement leur titre qu'on a bien connu. Et puis je vous laisse avec maintenant et bien du côté du country. Arc-en-ciel. Get a date. My boss says no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Help your son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Cowboys do it better.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et donc, côté chanson, eh bien, si vous aimez voyager tout simplement, parce qu'on va changer de pays avec tout simplement, on va faire un petit tour avec une des chansons de Madagascar, et puis juste après, une des chansons de Québec. Et puis donc, eh bien, juste après, un petit tour du folklore. Kiriku na nungwa nisu na vikwa tapakara na ena nunga zala o tutu na inka kafu ekum soma zumbola na pia kumukuku nangatima fulosa chachua tinga karafa nijikila lima chanyak tingu mama kwa tamana nangatima fulosa chachua tinga karafa nijikila lima chanyak tingu oh fulaka fulaka timeji fulaka efa marungo don tulake yani mbo timeji fulaka oh fulaka oh fulake fulaka timeji fulaka efa marungo don tulake yani mbo timeji fulaka Mandi commando, sasa kalingi mikechi kipoto, maranja ingi vomandem dodo, similam bedo. Sivitong na iyai, sinya alafate tuwa iyai, narari fatima na iyai, mafeke vomi like. Sivitong na iyai, sinya alafate tuwa iyai, narari fatima na iyai, mafeke vomi like. Nangatima fulo sarchar chua tinga karafa nijikilalina sanyak tingu mama kwa tama oh fulaka fulaka chimeji fulaka efa marungo roton tulake yanyumbo chimeji fulaka oh fulaka oh fulake fulaka chimeji fulaka efa marungo roton tulake yanyumbo chimeji fulaka Chimeji fulaka, efa marungo roton tulake. Yanyumbo chimeji fulaka, oh fulaka, oh fulake. Fulaka chimeji fulaka, efa marungo roton tulake. Yanyumbo chimeji fulaka, tendrement. Dis-toi bien qu'un sur toi, que tu sois heureux ou malheureux, que tu sois un prince ou hors la loi, tu as droit à des jours plus heureux. Si un jour tu connais dans ta vie des moments où tu te sens perdu, te garder près de moi, t'enlacer dans mes bras,

assis sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, coupée de cellophane, cheveux chinois. Asparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre. Je t'accompagnais au golf Drouot. On inventait les yeux, les hauts chéris. On balayait Tino Rossi. Souviens-toi de moi. Je suis rentré du service, je t'ai entendu à la radio. Tu vendais un million de disques, on parlait plus des toreros. C'était sûrement les plus belles années de ma vie. J'y pense souvent aujourd'hui. Souviens-toi de moi. Avec nos petits allées,

tous envie d'un coin de plage, d'un soleil doré, d'un paysage. Tout ça c'est bien joli, mais entre nous soit dit, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Quand le jour descend ou qu'il se lève, on se laisse aller où vont nos rêves. Tout ça c'est bien joli, mais entre nous soit dit, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Comme avant, et si un matin dans leur tendre, si l'amour s'en vient, s'il vient vous prendre, si vous croyez en lui, gardez-le pour la vie, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Croyez en lui, gardez-le pour la vie, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Les voyages s'envolent et les rêves désolent, on reste perdu dans le temps seul. Tout comme avant, j'en rêvais aussi lorsque j'y pense. Je l'ai dans mes bras, mon jour de chance. Peu de joie aujourd'hui. Avec mon cœur je crie, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Avec mon cœur je crie, rien ne vaut vraiment l'amour quand c'est de l'amour. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel. Je vous laisse du côté du rock'n'roll. chose la plus sacrée. Tu m'as volé et pour toujours, celle que j'aimais de ton roman d'amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toi qui fus monstre, तेरी अदाओं में तेरे चेहरे से नहीं हटती मैं।

But I'm too old to go chasing you around, wasting my precious energy. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et puis donc, retour avec les chansons. Et voici les chansons du pays. Donc, on parle de la France. Voici donc les pays avec la première en Tunisie. Et puis, juste en deuxième, on écoutera des chansons d'Italie. Voilà donc, et puis juste après ces deux chansons des pays étrangers, ben je vous donne du côté avec la chanteuse qui s'appelle Billy Flash. Et je vous

T'as vu Julien, ces derniers jours, j'ai un peu peur pour sa santé. Passe par les Halles, on fait le détour. Son téléphone doit être coupé. One, two. On est fou. Three, four. On roule très fort. 5, 6. On se calme. 7, 8, 9, 9, 9. Surtout, décroche pas. J'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, si toute seule, je vais flipper. Ce soir. Ce soir, la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir, on sort, on oublie nos galères. Ce soir, on sort, on oublie pas tout. On va oublier tout, oublier tout. Tout oublier, oublier. C'est bien le flip, c'est son problème. Elle perd Philippe, c'est moche quand même. Un peu de tendresse, ça fait pas de mal. Ça aide à garder le moral. T'as pris la cassette de Blondie ou t'as pris celle de Cotener. Fini les boîtes, 5h30. On va tous bouffer chez Albert. Bye, bye, les galères. On va changer notre atmosphère. Bronzé au CV. Nini Jules et mon quartier. J'aurais besoin de te parler. Si Jacques ne vient pas, si toute seule je vais flipper. Ce soir on sort, on oublie nos galères. Ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flashe partout. Ce soir on sort. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Thank you. vous laisse avec Serum et puis juste après Desireless.

toute la nuit profonde. 24 heures pour faire tourner le monde. Mon cœur bat comme un vidoule sauvage. Avec impatience, j'attends ton passage. Les pneus crissent sur l'asphalte brûlant. Viens dans mon stade, c'est l'heure. Ferrari, les moteurs crient des symphonies. Sur le Bugatti, sous la lune blanche, la gomme fond, la passion s'enclenche. Tes yeux dans le rétro me cherchent. Ma combinaison dorée te perche. Au virage de Mulsanne, j'existe. Viens t'arrêter pour que je te kisse. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM.

laisser dire comme une mélodie. Le rouge, c'est la passion qui brûle en toi. Il te rappelle les rêves, les envies, les émois. Regarde les couleurs, elles dansent pour toi. Chaque teinte raconte ce que tu ressens, crois. Moi, du violet au jaune, chaque nuance a son mot. L'arc-en-ciel t'invite à vivre, à être beau. Éclaire tes jours. Elle s'enveloppe de chaleur comme un doux velours. Le vert, c'est l'espoir qui pousse en toi. Il te murmure doucement que tout ira bien, crois-moi. Regarde les couleurs, elles dansent pour toi. Chaque teinte raconte ce que tu ressens, crois-moi. L'arc-en-ciel t'invite à vivre, à être beau. Et quand le bleu s'installe, c'est la mélancolie. Mais n'oublie pas, après la nuit, vient l'harmonie. Le rose, c'est l'amour qui embellit ton cœur. Il te rappelle que la vie, c'est aussi des douceurs. Regardez les couleurs, elle danse pour toi. Chaque teinte raconte ce que tu ressens, crois. Moi, moi, du violet au jaune, chaque nuance a son mot. L'arc-en-ciel t'invite à vivre, à être beau. La lampe, la lampe beau, la lampe beau. C'est la mélancolie, mais n'oublie pas, après la nuit vient l'harmonie. Le rose, c'est l'amour qui embellit ton cœur. Il te rappelle que la vie, c'est aussi des douceurs. Regarde les couleurs, elles dansent pour toi. Chaque teinte raconte ce que tu ressens, crois. Moi, moi, du violet au jaune, chaque nuance a son mot. L'arc-en-ciel t'invite à vivre, à être beau. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.

dia triste o velho Luiz, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Freedom. She's a fire in the thorns of a desert rose. Her

face. Je n'ai plus d'identité. Ma seule raison de vivre, c'est de t'aimer. Prendre un nouveau départ sur les quais d'une gare. Laisser toutes mes angoisses sur les trottoirs d'en face. Une partie de toi m'a émue. Une flamme en moi s'est allumée. J'ai marché seule sur le chemin, pensant à toi et ton parfum. Une partie de toi dans ma main, comme un rêve clair au matin. Une partie de toi reste là, dans mon cœur fort comme le bois. Tu es cette étoile qui brille en moi, pour toujours je te suivrai. Les jours passent et je pense à toi, ton absence comme un intense froid. Une partie de toi près de moi, comme un écho dans chaque pas. Chaque instant, chaque souvenir, ton rire doux, ton doux sourire. Une partie de toi m'inspire, vers toi je veux courir. Une partie de toi reste là, dans mon cœur fort comme le bois. Tu es cette étoile qui brille en moi, pour toujours je te suivrai. Une partie de toi reste là, dans mon cœur fort comme le bois. Tu es cette étoile qui brille en moi, pour toujours je te suivrai. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Faut parler, tu fais le sourd et tu pleures quand faut rire. Tu perds du temps, les amis, chacun sa vie. Si personne te relève, pourquoi tu restes assis? Tu te voiles la face, en fait, tu fuis. Tout ira bien, oublie, avance, sans bruit, hier c'est loin, maintenant faut faire ta vie, tout ira bien. les gens, vaut mieux les laisser s'en aller. Si je ne suis pas ton genre, tu devrais même pas me calculer. Le temps finira par dire si t'es bien accompagné. T'as assez donné, maintenant laisse couler. Tout ira bien, oublie, avance, sans bruit. Hier c'est loin, maintenant faut faire ta vie. Tout ira bien, oublie, avance, sans bruit. Regarde au loin, tu peux sourire. Faut laisser couler. Je t'aime à tous ceux qu'on aime, laisse avec Jean-Jacques Goldman. Et bien juste après lui, ce sera tout simplement et bien les chansons romantiques. Thank you. les gens me disent d'arrêter, ça marchera pas, faut oublier. Mais j'ai ta photo sous mon oreiller et je me souviens encore de ton nom. Même les vents qui balaient mes pensées ne savent pas comment t'effacer. J'ai beau vêtir mon cœur de solitude et fuir les lieux où ton regard s'élude, ton souvenir s'impose à chaque lieu comme un écho dans les cieux. Je ne peux pas t'oublier, même si l'aube tente de m'apaiser. Tu es gravé dans le marbre du temps, comme un serment perdu dans le vent. Je ne peux pas t'oublier, dans mes silences blessés, ta voix s'endort au bord de mes pensées, comme un poème aux rimes effacées. Mais dans la nuit, ton nom me revient, fragile au creux de mes mains. Je ne peux pas. Mes silences blessés, il n'est d'oubli pour les âmes liées. Même si l'amour s'est vu renier, tu es ce feu que je n'ai pas choisi. s'est mise à pleurer. Tu es ce rêve que je dois porter, ce doux tourment que je laisse m'aimer. Et peut-être ne le dois-je jamais. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse avec le disco et juste après Eurodance. Yeah.